Johnny voulait chasser les Indiens, qui venaient souvent dans sa prairie et le réveillaient le matin. Il a bien souvent sorti le fusil, mais ça ne servait à rien, car à cause de l'âge et du whisky, il en a jamais touché un. Trois pas à droite et trois pas à gauche, je crois que c'est le moment de tirer. Trois pas devant et trois pas derrière, je crois que Johnny est bourré. Johnny s'entraînait à danser sous le porche devant chez lui, la country endiablée. Dans le four de la prairie, les Indiens l'observaient, et chez eux, toute la nuit, autour des feux, ils dansaient. Trois pas à droite et trois pas à gauche, les Indiens savent danser. Trois pas devant et trois pas derrière, plein de calumet de la prière. Chez lui que Johnny entendit résonner des sons country en plein milieu de la nuit. Attiré par la fumée, il enquilla le pas. Il vit des Indiens danser autour d'un feu de joie. Trois pas à droite et trois pas à gauche, Johnny porte des plumes. Trois pas devant et trois pas derrière, Johnny danse sous la lune.